décoder leur processus. J'y suis accroché comme ces junkies de procédure, anti-utopiste, élitiste, des pros, c'est sûr. Une cause à défendre, une journaliste qu'ils descendent, des paparazzis s'étendent, c'est de nous qu'ils dépendent. J'ai honte, qui pourra comprendre, mais c'est l'hiver entre nous, même loin de décembre. Raconte-moi l'amour, la paix, la solidarité. J'y croirais comme toujours à cette humanité réconciliée. Mais regarde autour, franchement c'est pas gagné. Combien ont appelé au secours, n'ont rien vu arriver. Les années filent, et le cycle ne seront jamais. L'humanité s'obstine, emboîte un rond dans un carré. D'humeur cyclique, mais peut toujours s'embraser. Parfois ma génère, c'est aussi s'embrasser, s'enlacer. Comme une banalité, mais elle vit canalisée dans un monde paralysé. Mais parle-moi encore d'humanité réconciliée, j'y croirais, mais tu sais. Les remparts, mais les vrais se font rares, seuls ne se rendent pas. Demande à tes remparts, si t'en as, ils te diront comme moi. C'était mieux, entre fois on s'obstine à regarder en arrière, et chacun se résigne à couvrir ses arrières, à faire carrière ou affronter les barrières. Rien de mieux hier, mais les anciens ne se laissaient pas faire. Qu'a-t-on fait? Des héros d'antan, assassinés sûrement. Non mais franchement, qu'est-ce qu'on attend? Poursuivre leurs descendants, en conservant la solidarité dans nos rangs. Les années filent, et le cycle ne seront jamais. L'humanité s'obstine en boîte en rond dans un carré. D'humeur cyclique, s'embraser, parfois magique, elle sait aussi s'embrasser, s'enlacer, comme une banalité, mais elle vit canalisée dans un monde paralysé. Parle-moi encore d'humanité réconciliée, j'y croirais, mais tu sais. Non, non, y'a pas d'impasse, y'a ce temps qui passe, ces gens-là qui ressassent. S'efface, cette vie nous surpasse. L'humain se chasse, n'a plus la tête à la surface. À part ces costards que la finance surclasse. Histoire surfaite, entre crasse et paillettes. Classe et survêtes, à croire que tous s'achètent. Mais ici tout ça sèche, nos têtes. Le désert, la misère, merde. Nous sommes schizophrènes, rien ne nous freine. Mais la vie est frêle, ses prises et se fêlent. Garde des séquelles, des trames personnelles. Mais elle est si belle quand l'amour s'en mêle. Nous relève et merde, je suis réaliste. J'exige l'impossible, comme pour certains. Il faut tuer pour survivre, mais je réalise. Il n'y a plus grand chose à dire, à part votre chance. C'est toi qui vis, là où ça tire. Oh, what a time to go. What a time to go. What a time, what a time, what a time, what a time, what a time to go. Contexte, si je conteste par ce que j'écris, c'est peut-être pour trouver un sens à ce que je crie.